Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans cette grande édition du journal parlé en français. Nous sommes le 10 février 2017. Les grands titres. Les travailleurs de l'industrie afritextile sont en grève depuis ce vendredi matin. Ils ont vu leur salaire revu à la baisse, ce qui est inacceptable pour eux. Reportage dès le début de ce journal. Même si le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme se dit satisfait de certaines réalisations positives du gouvernement en matière de promotion des droits de l'homme, Jean-Baptiste Barimbonekeza ne manque pas de noter dans le même temps d'autres manquements de nature à nuire aux droits de l'homme. Il s'agit notamment du dysfonctionnement au sein de la justice burundaise et des chicaneries politiques, vous l'entendrez. Et dans le reportage de ce vendredi, nous irons à Rumonge pour parler d'un vrai problème de société. Là-bas, précisément sur les plages du lac Tanganyika, les femmes qui préparent de la nourriture aux pêcheurs sont accusées de détourner les maris des autres. Francine Nendiokugayo y a été pour nous. Elle est de retour. Rendez-vous à la fin de ce journal mis en onde par Séraphine Hakiziman. Rebonjour, je vous le disais, les travailleurs de l'industrie afritextile sont en grève depuis ce vendredi matin. Ils s'inscrivent en faux contre la décision de l'employeur de revoir à la baisse leur salaire mensuel, alors qu'ils s'attendaient à ce qu'il soit augmenté à partir de janvier. Ils réclament tout au moins de rester sur leur salaire, une condition pour reprendre le travail. Léonce Vitalio. Disent avoir passé plus d'une année à réclamer la mise en place du conseil d'entreprise, de même qu'un syndicat, en vain. Les salaires du mois de janvier 2017 ont traîné. Ils croyaient que la comptabilité est en train de faire des calculs à la hausse, mais le constat est tout autre, ils ont chuté. Une décision consensuelle a été prise, arrêter le travail à partir de ce vendredi. Nos salaires de janvier ont traîné. Ils étaient en train de les diminuer, mais vous savez que partout au monde, personne ne revoit à la baisse le salaire de son employeur. Il peut ne pas les augmenter, mais pas question de diminuer. Deuxièmement, on a diminué les frais pour les soins de santé. C'est nouveau à la SONAVI. On a revu ces frais à la baisse avant même le début de son fonctionnement. Un travailleur qui touchait mensuellement 250 000 francs burundais se trouvait désormais à moins de 200 000. Celui qui avait un salaire de 300 000 s'est vu autour de 210 000, etc. Les coefficients pour les heures supplémentaires sont modifiés en leur défaveur et la colère monte chez les travailleurs. On a changé le coefficient pour les heures supplémentaires. C'est le cas aussi pour les primes de nuit. Un changement brusque après plus de 3 ans. Quelqu'un qui touchait 300 000 francs se trouve à 210 000 et quelques. Le chef du personnel au sein de l'industrie afritextile, Félicien Nyonizigiye, a pris l'option de garder le silence devant les micros des journalistes. Il y en a une même parmi les responsable de l'entreprise qui dit qu'il n'y a aucun problème dans la maison. Parallèlement, ces travailleurs, estimés à 950 au moins, indiquent qu'ils ne retourneront au travail que quand leurs problèmes seront résolus. Merci Léonce. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, se dit satisfaite de bonnes actions menées par le gouvernement dans le but de promouvoir les droits de l'homme au Burundi et lui souhaite d'aller de l'avant. Le président de cette commission cite quelques bonnes actions, notamment le dialogue inter-burundais, la libération des prisonniers ainsi que la réouverture de certains médias fermés en 2015. Suivez plutôt Jean-Baptiste Barimbonekeza, il est président de la CNIDH. Il y a des initiatives du côté du gouvernement que nous apprécions, bien entendu. L'une de ces initiatives, c'est notamment les mesures qui ont été prises, par exemple, au sujet de la réouverture de certains médias qui étaient fermés et de certaines organisations de la société civile qui étaient suspendues, y compris, par exemple, parce qu'il y a de l'OAG, de PARSEM, de l'AJCB et autres. Et, ou bien la réouverture de la radio Isanganiro, de la radio Rema FM. Tout ça, c'est des mesures qui nous encouragent en termes de réouverture de l'espace d'expression. l'expression des différentes opinions dans ce pays qui est une composante importante de notre démocratie. Nous apprécions aussi des mesures comme les mesures de clémence, par exemple, qui permettent non seulement de désengorger les prisons et donc de rendre plus humaines les conditions de détention, mais aussi qui permettent de donner la chance aux différentes personnes détenues, n'est-ce pas, de rentrer chez eux, de continuer à vivre leur vie, à contribuer à leur famille, au développement du pays, etc. Tout ça, c'est des mesures que nous apprécions beaucoup. Et nous apprécions encore une fois la récente mesure de grâce présidentielle qui a permis la libération aujourd'hui d'environ 1900 personnes, dont les 58 membres du MSD, parce qu'évidemment, c'était aussi notre appréciation qu'il y avait beaucoup de ces cas qui étaient détenus illégalement. Le président de la CNIDH pointe cependant du doigt sur certains actes qui ont l'intention de nuire les droits de l'homme au Burundi. Jean-Baptiste Bariwonekeza parle du dysfonctionnement au sein de la justice burundaise, des chicaneries politiques pour ne citer que cela. Encore une fois, suivez le président de la CNIDH. Toutefois, il est évident qu'il y a beaucoup de défis qui demeurent. Parmi les défis, par exemple, qui sont à notre agenda, il y a la question des organisations de la société civile et des médias qui sont fermés, n'est-ce pas? Les organisations radiées, nous continuons évidemment à faire le plaidoyer dans le sens de la réouverture de ces organisations comme de ces médias. Nous pensons qu'avec la bonne volonté de toutes les parties prenantes, évidemment, c'est un dossier qui va bientôt relever du passé. Alors, il y a des préoccupations comme celle, par exemple, liées surtout au dossier en justice. Il y a vraiment une tendance à beaucoup de lenteur au niveau de la justice. Parce que d'un côté, c'est normal qu'une personne puisse être arrêtée quand il y a des suspicions légalement fondées contre cette personne. Mais d'un autre côté, ce n'est pas fondé de la maintenir en détention sans charge ou bien sans avoir confirmé, n'est-ce pas, les charges qui sont retenues contre cette personne. Il y a tellement de cas comme ça et nous sommes en train de plaider pour que cela puisse évidemment changer. Il y a des défis du côté, par exemple, des questions foncières. On a eu beaucoup de cas de personnes qui ont été victimes de règlements de compte. Je pense que tout le monde a suivi, par exemple, à Kirundo, le cas des 5 personnes qui ont été brûlées, pratiquement tuées puis brûlées, et à Kirundo, dans le cadre d'un conflit foncier. C'est des choses qui, évidemment, tendent, n'est-ce pas, à envenimer une situation qui est déjà très problématique. Et nous pensons que l'administration et la justice doivent mettre tout le paquet nécessaire en vue de pouvoir rendre des jugements de qualité quand il s'agit des questions foncières. Il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est entre autres, évidemment, la tolérance politique envers les adversaires. Qu'il y ait de l'adversité au niveau politique, c'est tout à fait normal. Mais par contre, que l'adversité se transforme à chaque fois en violence, à chaque fois qu'il y a une question politique importante, et ça, ce n'est pas ça, à mon avis, l'objectif, n'est-ce pas, de la démocratie. Donc, il faut qu'on fasse le nécessaire, n'est-ce pas, pour éviter ces affrontements inutiles, ces heurts inutiles entre les différentes familles politiques qui, par ailleurs, sont tous composantes de la même famille burundaise et de la famille humaine. C'était Jean-Baptiste Bariwonekeza, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi. La mise en place d'un agenda des femmes burundaises dans le processus de consolidation de la paix est le but ultime d'un atelier organisé ce vendredi à l'endroit des femmes d'origine différente. Le ministre burundais des droits de l'homme indique que des écarts de langage ont déjà été observés dans la présentation du dialogue, tant interne qu'externe. Marthe Nivyabandi trouve ainsi important cette rencontre. Il fallait organiser un tel cadre où les gens, où les femmes se rencontrent et puissent dégager un consensus sur un agenda de la femme burundaise. Le Burundi a toujours organisé des cadres de dialogue. Nous avons la CNDI qui a organisé des dialogues dans ses aspects internes. Et nous avons vu qu'il y avait une certaine incohérence au niveau de la présentation des priorités de la femme burundaise. Ce que nous voulons au niveau du ministère, comme nous sommes en charge de la promotion de la femme, c'est avancer la cause de la femme. Comment le faire? Il faut qu'il y ait un document de référence qui va nous guider, nous tous, dans la promotion de la cause de la femme burundaise. L'une des motivations d'organiser cet atelier est d'avoir des résultats palpable dans l'avancement de la cause de la femme lors du dialogue inter-burundais organisé par les facilitateurs au niveau externe. Nous voulons que les femmes puissent parler d'une même voix quand il s'agit de parler des problèmes de la femme, quand il s'agit de présenter les desiderata, les priorités de la femme burundaise. Martin Ibzabandi, le ministre en charge des droits de l'homme. Ses propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Et trois organisations, à savoir Oxfam, Care International et Impunity Watch, ont procédé au lancement d'un projet New Ahiliza, financé par le Royaume des Pays-Bas ce vendredi. À cette occasion, le responsable de ce projet, Arthur Molenaar, a fait savoir que ce projet va contribuer au renforcement des jeunes et des femmes dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Suivez Arthur Molenaar. Le projet New Ahiliza, qui veut dire en français « respecte-moi », est un projet initié en tout premier lieu avec les administrations provinciales concernées. Ensemble, lors des études de faisabilité avec elles, trois objectifs essentiels ont été identifiés. Les trois objectifs sont promouvoir la cohésion sociale et la collaboration entre les citoyens et les autorités pour garantir la paix et la sécurité. Renforcer les jeunes, poursuivre les modèles non violents et adopter les moyens de subsistance constructifs. Et au troisième lieu, permettre aux femmes, aux hommes et aux jeunes dans les communautés ciblées à participer au processus de justice transitionnelle pour trouver la réconciliation et le redressement social brisé par les événements violents qui ont marqué l'histoire du Burundi. Comme vous pouvez l'imaginer, le budget de ce projet ne permet pas de couvrir l'entièreté du Burundi. C'est très dommage, nous le savons, mais ensemble, le programme New Ahiliza sera mis en œuvre dans trois provinces, Bujumbura Rural, Cibitoke et Muyinga. Par province, le programme va cibler une moyenne de 4 communes et par commune, 5 à 7 collines, aussi désignées comme communautés, ce qui donne un total de 70 collines. Le programme cherche un changement positif pour les habitants de 70 communautés ciblées, en général, et plus spécifiquement les femmes et les jeunes vulnérables à la violence et à l'insécurité. Il est de noter que le projet a été conçu en consultation avec des autorités provinciales et locales, ainsi qu'avec des représentants des organisations communautaires qui ont participé dans une étude de faisabilité en juin 2016. En notre nom à tous, je renouvelle la manifestation de notre volonté d'accompagner les efforts pour ramener une paix durable résultant de la cohésion sociale et de la réduction des violences et une franche collaboration entre l'administration et la population pour la réussite et le succès du projet New Ahiliza. C'était Arthur Molenaar, c'est le responsable de ce projet New Ahiliza, respecte-moi en français. Et ces propos ont été recueillis par Christella Nizigama. Sachez que le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, qui était là à ce lancement du projet, a déclaré dans son discours que le gouvernement burundais va soutenir ce projet qui sera exécuté dans trois provinces, à savoir Bujumbura, Cibitoke et Muyinga. Et le ministère burundais de l'Intérieur se dit prêt à travailler dans le cadre tripartite avec l'OHCR et les pays d'accueil des réfugiés burundais pour les rapatrier. Le ministre Pascal Barandagiye l'a annoncé ce jeudi au terme d'une rencontre qu'il a eue avec le représentant du OHCR au Burundi. Le ministre Barandagiye a ajouté que les activités de construction de sites d'accueil sont à une phase très avancée. On l'écoute, il est traduit par Joseph Savuyabandi. Twashe kuvugira hamwe ingene aba bantu boheze bakakwikirwa twagira planification conjointe. Nous avons échangé sur la façon dont ils peuvent rentrer en privilégiant la planification conjointe. Nous avons constaté que les préparatifs vont bon train. Je vous dirai concrètement que la construction du site d'accueil de Makamba est sur le point d'achèvement. Il y a d'autres activités qui sont en train d'être faites par la direction en charge des réfugiés en partenariat avec le HCR. Nous avons étudié ensemble comment le gouvernement burundais pourrait travailler avec les pays d'accueil des réfugiés burundais dans le cadre tripartite. Un rendez-vous est déjà fixé avec l'État tanzanien qui est prêt à nous recevoir le 28 mars prochain pour échanger sur les modalités de rapatriement des réfugiés burundais. Nous avons profité de cette occasion pour lui demander que le HCR puisse organiser une rencontre entre le Burundi, le Rwanda et le HCR dans le cadre tripartite pour que les Burundais qui sont au Rwanda puissent rentrer. Il a accepté de le faire. Il est vrai que les voyages entre le Rwanda et le Burundi sont compliqués compte tenu de la situation que personne n'ignore. Cependant, s'il s'avère nécessaire, cette rencontre peut se faire dans un autre pays ou au Rwanda, mais le HCR nous a promis que cette rencontre pourra être organisée dans un autre pays, en Ouganda ou en Tanzanie. mukindi gihugu mu Uganda cyangwa mu Tanzania. C'était le ministre de l'Intérieur, traduit par Joseph Nsabiyabandi. Il est 13h12 à Bujumbura. Une courte pause et ce journal se poursuit avec les nouvelles de Provence, l'actualité internationale et bien sûr à la fin, le reportage du jour. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La politique doit être comprise comme une vocation tournée vers la gestion de la chose publique au lieu d'être un canal d'enrichissement personnel. C'est le message de l'abbé Zabulon Zimenya, chargé de l'apostolat des laïcs à Muyinga. C'est au moment où il rassemblait ce jeudi les représentants des partis politiques et les responsables administratifs. Le point avec notre correspondant Dieudonné Zeyman. Toute société a besoin des hommes politiques pour gérer la chose publique, mais hélas, la politique a été éclaboussée par ses acteurs depuis longtemps. Une des conséquences de la mauvaise politique se manifeste à travers des conflits armés. Tel est l'avis de l'abbé Zabulon Zimenya, chargé de l'apostolat des laïcs dans le diocèse catholique de Muyinga. Pour lui, ceux qui font de la politique devraient savoir que c'est une vocation orientée vers la recherche du bien commun au lieu d'être une simple voie de recherche des richesses du monde. J'ai dit, son prêtre a rassemblé autour de lui des représentants des partis politiques, des leaders religieux, des responsables administratifs et ceux de corps de sécurité. Objectif, les rappeler qu'il est possible d'être homme politique et en même temps respecter les commandements de Dieu. Et pour certains participants à la rencontre, tel le représentant du CNDD, FDD ou celui du parti Frodebou, de telles rencontres jettent plutôt le pont entre ceux qui étaient divisés à cause des divergences d'opinion. Ce n'est pas la même première fois que l'Église catholique prenne une telle initiative. Lors des élections de 2015, des leaders des partis politiques s'étaient croisés dans des moments qui étaient considérés comme critiques. Dieudonné Zeyimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Les responsables du programme national de lutte contre le sida recommandent aux leaders communautaires et politiques de la province Karoussi de fournir plus d'efforts pour lutter contre ce fléau dans cette province. Une province qui compte 2800 séropositifs et se classe parmi les premières provinces les plus menacées par le sida, comme l'indiquent ses responsables et demandent une grande sensibilisation pour le dépistage. Blaise Pascal Kararoumiye. Les administrateurs communaux, les membres des conseils communaux, les responsables des différentes religions œuvrant dans la province Karoussi et les chefs de colline sont appelés à fournir le plus d'efforts pour la sensibilisation à la lutte contre le VIH-Sida qui menace la population de cette province. La province Karoussi se classe parmi les provinces les plus menacées par ce fléau, comme l'indiquent les responsables du programme national de lutte contre le Sida. Cette province compte environ 2896 personnes séropositives qui se sont déjà déclarées, parmi lesquels 1649 se trouvent sous traitement ALV, comme l'indique le secrétaire exécutif dans la province Karoussi. Dans cette réunion de sensibilisation, Raphaël Chimilimana, du programme national de lutte contre le sida, a indiqué ce jeudi à ses responsables administratifs et leaders communautaires de Karoussi que le programme vise à ce que la réduction soit au maximum pour la contamination jusqu'à 90%. Il explique que la vision est que 90% de la population soit dépistée et que parmi ces dépistés, ceux qui sont révélés malades soient sous traitement ARV à 90% et qu'en conséquence, 90% de ces personnes sous traitement ARV seront d'une charge virale qui n'est plus détectable et que de là, ils ne seront plus source de contamination. Docteur Canesius Vizimana, du comité provincial de lutte contre le sida dans la province, a indiqué qu'une fois que tous ces intervenants s'impliqueraient dans cette sensibilisation de les rencontrer avec la population dont ils sont en charge, la séroprévalence pourrait diminuer dans la province de Karoussi jusqu'à zéro. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour la radio Sanganiro. Merci Blaise. Cap maintenant sur Ruyigi pour clore cet appel à nos correspondants. Les produits vivriers ont connu une augmentation des prix dans cette semaine dans la ville de Ruyigi. Le riz et la farine de manioc, par exemple, beaucoup plus touchés, ont connu une augmentation qui varie de 20 à près de 30%. Cette flambée des prix des produits vivriers est actuellement due à leur vente vers d'autres provinces, ce qui a poussé l'administration provinciale à agir et surtout interdire depuis ce jeudi le transport de certains produits vivriers vers d'autres provinces, comme nous le rapporte notre correspondant Jean-Claude Nchimiriman. Le prix de riz et de farine de manioc sont ceux qui ont connu plus d'augmentation que d'autres dans cette semaine dans la ville de Ruigi. Celui de riz a connu une augmentation de 29,41% puisqu'un kilo est vendu depuis ce mercredi à un prix variant entre 2000 et 2200 francs au marché et dans différentes boutiques qui se trouvaient dans les quartiers. Celui de farine de manioc a connu une enchère de 20% puisqu'un kilo est depuis ce mercredi vendu à un prix qui varie entre 1200 et 1300 alors qu'il était à 1000 ou 1100 francs depuis décembre dernier. Ceux qui fréquentent ce marché s'indignent qu'ils éprouvent actuellement plus de difficultés à pouvoir nourrir leur famille. Certains commerçants opérant dans ce marché font savoir que les prix de ces produits ont monté suite aux commerçants grossistes des autres provinces qui sont venus s'approvisionner au marché de la ville de Ruigi. C'est cette même justification qui est fournie par Abdallah Hassan, gouverneur de la province Ruigi, qui fait savoir qu'il n'y avait pas de pénurie de produits vivriers dans la province. À cet effet, une décision interdisant le transport de certains produits vivriers vers d'autres provinces, à savoir le riz, le manioc sec et la farine qui en dérive, le haricot et les tomates, a été prise ce jeudi en vue de faire face à la situation. Jean-Claude Nchimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Aux États-Unis d'Amérique, il se manifeste chaos au cœur du département d'État. Des fuites des mémos internes critiquent certaines décisions du président Trump. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement prévoit une subvention de près d'un milliard de francs CFA à 19 partis politiques. Et en Afrique du Sud, des affrontements ont surgi jeudi soir au Parlement lors du discours à la nation du président Jacob Zuma. Alain Désiré Boukayenez. En Afrique du Sud, pendant plus d'une heure et demie, le président Zuma a tenté de prendre la parole au Parlement jeudi soir lors du discours à la nation, mais l'opposition l'en a empêché. Les députés du parti radical de Julius Malema refusent de reconnaître le chef de l'État. Ils estiment qu'il a violé la Constitution, qu'il n'a pas sa place au Parlement. Comme nous le lisons sur le site de la RFI, il y a eu des échanges de coups et les 25 députés des combattants pour la liberté économique ont été violemment expulsés de l'hémicycle. Après quoi, tous les députés de l'opposition ont quitté la Chambre. Le président Zuma a ensuite pu prononcer son discours. L'opposition, quant à elle, a tenu une conférence de presse pour dénoncer cette violence et notamment le déploiement de plus de 400 soldats de l'armée autour du bâtiment. Au Congo-Brazzaville, sur les 153 partis politiques que compte le pays, 19 bénéficieront cette année d'une subvention de l'État estimée à près d'un milliard de francs CFA, comme révélé par le ministère de l'Intérieur. Selon le site de la BBC, parmi les critères retenus pour recevoir l'aide figurent notamment le nombre des élus au niveau des institutions électives. Il est interdit aux partis politiques qui bénéficieront des concours financiers de l'État de recevoir des financements des personnes publiques, privées, étrangères, des entreprises, des églises ou des dons. Aux États-Unis d'Amérique, il règne un certain chaos au sein du département d'État américain. En attendant que le nouveau secrétaire d'État ait pris ses fonctions le 1er février, le président Trump a monopolisé les dossiers de politique étrangère en rompant avec les codes diplomatiques habituels. Selon les témoignages anonymes des fonctionnaires du département d'État recueillis par le magazine Politico, Trump aurait depuis son élection ignoré l'expertise des services diplomatiques. Le président américain semble user d'un style peu diplomatique dès lors que les questions de fond ne semblent pas être abordées. À la source, reportage. Je vous l'avais dit, le reportage de ce vendredi nous conduit à la plage de pêche de Rumonge. Les femmes qui préparent la nourriture aux pêcheurs sont accusées de détourner les maris des autres, ce qui constitue un danger pour la société selon les autorités administratives. Pour elles, ces femmes doivent cesser cette activité et aller chercher ailleurs. Ces femmes qui préparent à manger aux pêcheurs trouvent injuste cette décision et proposent qu'il y ait des enquêtes afin de ne punir que les coupables. Francine Ndihokugayo. Sanswe ndo mupishi wanga hakuri pura jionga hamurumonge. Nabakora nga hakuri peshi ya rumonge ndo mupishi. Ces femmes sont chargées de préparer la nourriture des pêcheurs. On les a trouvées sur la plage de pêche de Rumonge en après-midi dans les heures de pause. L'une d'entre elles nous dit comment est organisé leur travail au quotidien. Nous arrivons le matin aux environs de 7h et nous rentrons vers 16h passées. Nous attendons l'arrivée des pêcheurs pour leur chercher à manger. Lorsque ces pêcheurs arrivent, ils nous donnent la ration et c'est eux qui nous proposent la nourriture, soit le moukéké, le ndagala ou la viande. Ces femmes sont toutefois accusées d'être à la source des mésententes dans les ménages car elles passent plus de temps à la plage avec ces pêcheurs. Les gens ont constaté tout cela un peu tardivement, mais il n'y a que ce pêcheur et femme seulement qui entrent dans cet endroit. C'est comme si c'était vraiment la femme du capitaine. Ces femmes sont en général des veuves et d'autres qui ne vivaient plus avec leur mari. Elles expliquent alors qu'elles ne sont là que pour chercher de quoi nourrir leur famille. Nous sommes venus ici pour chercher la vie afin de nourrir nos familles, mais on nous accuse de faire la prostitution. Et pourtant, on n'a jamais attrapé une femme piche. Ils nous haïssent. Ce sont des gens qui ne veulent pas la promotion de la femme. Comment allons-nous avoir des rapports sexuels avec ces capitaines qui vont pêcher alors que nous, nous restons sur terre? Nous faisons la cuisine depuis le matin jusqu'au soir. Nous n'avons pas le temps pour faire ces choses. Ils mentent à notre compte. Nous ne sommes pas des prostituées. On s'est ensuite approché de ces pêcheurs à qui on jette aussi le tort. Un capitaine de bateau de pêche nie toutes ces allégations. Ces gens veulent nous salir. Ils ont l'habitude de dire que les pêcheurs sont des personnes à plusieurs partenaires sexuels, que ces femmes qui nous préparent à manger sont nos concubines. Mais c'est faux. Chez moi, ma femme sait très bien que je ne fais que mon boulot à la plage. Quand j'ai bien travaillé, je l'appelle pour qu'elle récupère les poissons que j'ai eus ou l'argent pour la ratio. Il y a des fois où on partage ici même le repas qu'a préparé cette femme. Mais le gouverneur de la province Lumonge, Juvenal Bigirimana, confirme que ces femmes sont bel et bien une menace pour la population. Ces femmes, ce sont des femmes d'autres personnes. Il y a beaucoup de divorces à cause de ces femmes. Imaginez-vous, pour avoir ce travail, la femme doit s'arranger pour qu'elle soit peut-être la femme de joie du capitaine de la pirogue de pêche. Et aussi, on compte de 5 jusqu'à 7 sur chaque équipe de pêche. Imaginez-vous, toute l'équipe de 7 pêcheurs, elle doit s'arranger à ce qu'elle collabore avec eux. Sinon, les autres peuvent faire le complot pour la chasser. Et imaginez-vous s'il y a un ou deux qui sont peut-être contaminés du VIH ou bien d'autres maladies. Ici à Lumonge, nous avons plus de 2700 pirogues de pêche. Et en comptant, ce sont les 2700 femmes. Les pêcheurs sont nomades. Ils vont là où ils trouvent le poisson. Ils se déplacent avec la femme en question. Alors, elle laisse toute la famille. Ces femmes sont reconnues par la Fédération des pêcheurs et fournisseurs du poisson au Burundi et portent des badges pour se différencier des autres. Au moment où les autorités disent qu'elles doivent quitter les plages pour le bien de toute la communauté, ces dernières trouvent plutôt qu'il devrait y avoir des enquêtes pour ne sanctionner que le coupable. Francine Ndihokugayo de retour de Lumonge. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi.